Satan ne peut pas vous éprouver un millimètre au-delà de la limite imposée par Dieu, car le Seigneur limite le tentateur. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Avant l'ère des grosses machines industrielles, les meubles étaient fabriqués selon des techniques simples. On utilisait par exemple du bois vert pour les chaises et l'on pliait et maintenait en place le matériau à l'aide de cordes et d'étaux. L'artisan donnait soigneusement sa forme au bois afin d'obtenir le résultat désiré. Dieu utilise parfois les malheurs de la même façon. Il nous forme à l'image de son Fils Jésus-Christ en nous permettant d'être pliés et étirés à un point qui nous semble parfois aller au-delà de nos forces. La question est de savoir si vous coopérez ou si vous résistez au contraire aux efforts du maître artisan. Restez avec nous alors que Charles Stanley jette un regard neuf sur nos épreuves. Quelle est votre première réaction face à une nouvelle épreuve? Comme la plupart des gens, vous préféreriez sans doute être ailleurs, quitte à courir le plus vite possible pour échapper à ce tracas supplémentaire. Votre réaction est tout à fait naturelle et normale. Mais Dieu ne répond pas de la même façon à notre épreuve, et il se tient prêt à nous secourir au premier signe de notre part. J'ai observé au cours des ans un curieux phénomène, l'épreuve qui semble détruire certaines personnes sera pour d'autres une occasion de grandir. J'ai donc tiré la conclusion suivante. Ce n'est pas l'épreuve qui nous détruit ou nous développe, mais notre réaction face à cette épreuve qui nous fortifie ou nous ruine. Mon expérience personnelle de l'épreuve m'a appris plusieurs choses. Premièrement, le croyant doit s'attendre à devoir traverser des épreuves au cours de son existence. En fait, vous pouvez vous y attendre même si vous n'êtes pas croyant. Les épreuves font partie de la vie. Tournons d'abord, si vous le voulez, dans la première épître de Pierre au 4e chapitre. Remarquez bien ce qui est écrit au verset 12. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Expérimenter des épreuves ne doit pas nous surprendre ou nous indigner. Nous devons au contraire nous y attendre. » Revenons un peu en arrière, dans la même épître, au premier chapitre, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. L'apôtre Pierre veut nous faire comprendre que nous pouvons nous attendre à devoir traverser des épreuves, des peines et des situations difficiles dans notre vie. Comme l'or purifié, nous devrons passer par l'épreuve du feu. C'est une façon imaginer de nous faire comprendre que certains épisodes seront très douloureux et très difficiles à supporter. Nous serons éprouvés par le feu et il nous prévient d'avance, afin que nous ne soyons pas surpris ou bouleversés. Les épreuves font normalement et naturellement partie de la vie. Nous avons déjà vu que Dieu pouvait être la cause ultime de certaines de nos épreuves. Mais quel but poursuit-il alors? Nous devons nous demander quels sont les objectifs visés par Dieu lorsqu'il permet des épreuves dans notre vie. Quel but Dieu peut-il bien poursuivre en nous faisant vivre des temps de souffrance et de difficultés? Comment peut-il se trouver derrière tout cela? Posons-nous la question. Quelles sont ses intentions? Premièrement, son objectif est de nous purifier. C'est toujours un des objectifs ultimes qu'il poursuit en permettant aux épreuves de nous accabler. Posons-nous maintenant cette autre question. Quelle est notre réaction lorsque ces épreuves surviennent dans notre vie? Nous réagissons principalement de deux façons. Soit l'épreuve nous rapproche de Dieu, soit elle nous en éloigne. En admettant que la purification soit le but de l'épreuve, comment cela fonctionne-t-il? Lorsque nous faisons face à une situation difficile, nous sommes poussés vers Dieu. Et alors que nous sommes poussés vers Dieu et que nous nous mettons à voir les choses selon sa perspective, nous commençons à nous voir d'un œil différent. En poursuivant ce cheminement, nous nous trouvons souvent à nous confesser et à nous repentir de certaines actions, attitudes ou comportements que nous n'aurions jamais pu admettre autrement. nous ne savions pas qu'il existait. Nous ne les avions jamais ressentis, ni vus, et nous n'avions pas écouté les gens qui avaient essayé de nous en parler. Quelquefois, les épreuves sont la seule manière de faire remonter à la surface tout ce qui doit être corrigé en nous. Le feu purificateur des temps pénibles nous conduit à Dieu, nous incite à le regarder, et en le regardant, nous commençons à nous voir nous-mêmes tels que nous sommes vraiment. Nous pouvons donc dire qu'un des objectifs poursuivis par Dieu lorsqu'il permet aux épreuves de nous éprouver est de nous purifier. Dieu nous éprouve pour une autre raison. Il veut nous tester. Certains pourraient objecter. Pourquoi Dieu aurait-il besoin de faire cela? Ne connaît-il pas toutes choses? Oui, il connaît certainement tout. Et si vous voulez savoir pourquoi il ressent le besoin de nous tester, puisqu'il connaît tout, écoutez ce qui suit. Il nous teste pour une raison très spécifique. Et une des choses qu'il veut tester en nous est notre foi. Poursuivons notre lecture du premier chapitre de la première épître de l'apôtre Pierre au verset 7. « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Que fait Dieu quand il teste notre foi avec une épreuve? Il repousse les limites de notre endurance. » Cela veut dire que lorsque nous pensons « Seigneur, je n'en peux plus », Dieu sait exactement et mieux que nous où se trouvent nos limites. Car nous aimons fixer des limites, et quand nous sommes jetés dans la fournaise, nous pensons que nous ne pourrons pas aller plus loin. Mais Dieu dit « Non », et nous répondons « Mais Seigneur, je ne peux plus ». Mais le Seigneur sait que nous pouvons aller plus loin. Et quelquefois, dans une telle situation, nous pensons que nous n'en pouvons plus. Mais juste avant de sombrer définitivement dans le précipice du désespoir, Dieu change la situation. Un de ses objectifs est donc de tester notre foi. Personne n'aime les épreuves, Dieu le sait, mais pour édifier notre foi, il doit l'étendre. Et la seule manière pour Dieu d'étendre notre foi, c'est de l'éprouver. Dieu aime nous voir triompher d'une épreuve avec une foi plus solide. Qui est honoré alors? Pas nous. Dieu est honoré. Car voici ce qu'exprime une foi éprouvée. Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es exactement comme ta parole en témoigne. Je crois que tu es un Dieu fidèle qui me soutient. Peu importe les circonstances de ma vie, tu m'aideras à travers ma peine. « Oh mon Dieu, car j'ai confiance et je crois en toi, Seigneur Dieu. » Oui, Dieu éprouvera votre foi, et lorsque vous pensez qu'il serait préférable de tout laisser tomber, de tout abandonner, dites-vous que vous risquez alors de perdre une bénédiction. Rappelons-nous que le premier objectif de Dieu est de nous purifier. Le deuxième est de nous éprouver, ou plus précisément, d'éprouver notre foi et notre endurance. Quel est le troisième? Regardons, si vous le voulez, l'Épître de Jacques au chapitre 1, en commençant par le verset 3. « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Et au verset 12. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Dans le texte grec original, le mot « pérasmos » se traduit par « tentation » ou « épreuve ». L'un comme l'autre nous apprend l'endurance. Et avec la victoire dans l'épreuve vient la force. Car plus nous faisons face avec succès aux difficultés et aux peines, plus notre seuil de tolérance augmente. C'est ainsi que Dieu édifie les saints parmi son peuple et les fait ressembler à son Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu permet ces choses. Nous serons éprouvés. Notre foi sera éprouvée. Notre endurance sera éprouvée. Notre dévotion au Seigneur Jésus-Christ sera éprouvée. Vous dites que vous aimez Dieu? Mais comment pouvez-vous évaluer la grandeur de votre amour pour Dieu? Un de ses moyens est l'épreuve. Lorsque survient une épreuve dans notre vie, voici ce que Dieu dit. C'est ma volonté. Obéis-moi. Et nous disons, Seigneur, je t'aime, mais c'est trop pour moi. Je n'en peux plus. Je ne m'en sortirai jamais. Et nous abandonnons. Nous faisons une rechute, nous laissons de côté notre témoignage pour Dieu ou nous refusons d'avancer en disant « Seigneur, mets-moi sur une tablette. Fais ce que tu veux, mais c'est trop pour moi, je ne le ferai pas. » Or, c'est de cette façon que Dieu détermine si nous l'aimons ou pas, car si nous l'aimons, nous obéirons à sa volonté. Voici comment je vois les épreuves. Les épreuves radiographient ma vie. Les épreuves sont les rayons X qui révèlent l'intensité de ma foi. Elles révèlent jusqu'à quel point je peux persévérer. Elles montrent l'étendue de mon amour et de ma dévotion pour Christ. Suis-je prêt à lui obéir, à lui faire confiance, à m'accrocher quand plus rien n'a de sens et que je ne sais plus où donner de la tête? Je dois prendre alors la décision de croire et de lui faire confiance quoi qu'il arrive. Troisièmement, donc, Dieu a permis toutes ces épreuves pour nous démontrer sa puissance et le fait qu'il nous soutient. Que fait Dieu au milieu de l'épreuve? Quand il nous soutient et nous donne la force d'avancer, quand il nous bénit même dans les peines et les souffrances, il se glorifie. Lorsque nous voyons une personne traverser un temps de peine et de souffrance, et que, malgré cela, elle a la joie au cœur et le sourire sur son visage parce qu'elle sait que Dieu la soutient, n'est-ce pas édifiant? Nous pensons alors, comment peut-elle continuer de cette façon? Comme si de rien n'était. Que se produit-il alors? Dieu est glorifié. Et nous avons tendance à nous dire, si Dieu peut faire cela pour elle ou pour lui, il pourra peut-être le faire pour moi aussi. Dieu démontre ainsi sa puissance infinie. Il soutient ses enfants, il les encourage, il les édifie, il bâtit leur caractère et les rend aptes à un meilleur service. Quels que soient les objectifs de Dieu, qu'il s'agisse de nous purifier, de nous tester ou de démontrer son énorme capacité à nous soutenir, il a ultimement une chose en tête. Il veut rendre notre témoignage plus grand et plus efficace. Il nous prépare grâce à un processus de purification, de test et de soutien. Il nous équipe afin que nous devenions de meilleurs serviteurs pour lui et que nous soyons prêts à le servir plus puissamment. Et si vous dites que vous voulez servir le Seigneur et le servir au meilleur de vos capacités, je vous demanderai alors si vous êtes prêt à être jeté dans la fournaise. Êtes-vous disposé à faire face à l'épreuve, à la douleur et à la peine? Êtes-vous prêt à être testé? Et si vous me répondez que vous l'êtes, comment réagirez-vous le jour de l'épreuve? Comme un petit douillet qui va se plaindre et appeler tous ses amis en disant « Oh, j'ai si mal ». Je ne veux pas dire que vous ne pouvez pas avoir d'amis, ni qu'il leur est défendu de partager ces mauvais moments avec vous. Nous aurons tous des hauts et des bas pendant nos périodes d'épreuve. Il nous semblera, pendant ces jours gris, que rien ne fonctionne et que rien n'a plus de sens. Vous ne pouvez vous empêcher de penser, « Seigneur, que se passe-t-il? » Vous aurez ce genre de mauvais jours, mais vous ne pouvez prendre le risque de vous y attarder. C'est alors que vous pouvez prier en disant, « Seigneur, je sais que tu m'aimes autant qu'hier. Tu contrôles la situation et toutes choses autant qu'hier. Je mets ma confiance en toi. Je ne me sens pas bien. Je ne vois pas d'issue. Rien n'a de sens. Mais Seigneur, je sais que tu es Dieu. Tu ne changeras jamais et tu as toute ma confiance. » Ces épreuves peuvent nous être bénéfiques si nous réagissons de la bonne manière. Qu'est-ce que j'entends par là? J'en ai déjà glissé mot, mais je vais maintenant préciser ma pensée. Ma première réaction face à l'épreuve doit être la confiance. Je dois faire confiance à Dieu, peu importe les circonstances. Et de quoi aurais-je besoin pour répondre de cette manière pendant les jours difficiles? En plus de mes expériences passées avec le Seigneur, j'aurai besoin de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle les gens abandonnent quand ils sont accablés par une épreuve. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et comment voulez-vous connaître Dieu quand vous ne connaissez pas sa parole? C'est à ce moment que vous commencez à mettre sur le dos de Dieu des intentions qu'il n'a pas, des sentiments qu'il ne ressent pas et des actions qu'il n'accomplirait jamais. Car si vous le connaissez qu'un peu ou pas du tout, vous ne verrez rien d'autre. Vous ne vivrez rien d'autre que cette mauvaise situation dans laquelle vous vous trouvez à ce moment. Mais qu'est-ce qui constitue une réponse adéquate alors? Tout simplement le fait de chercher la bénédiction dans l'épreuve. Cela n'est pas évident, je le sais. Mais si je veux être béni, je dois réagir de la bonne manière. Et cette bonne manière, c'est de faire confiance à Dieu. Il est écrit dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. « Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qu'il n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Nous devons tous supporter des épreuves un jour ou l'autre. Mais Dieu leur impose une limite. Satan ne peut pas nous éprouver un millimètre au-delà de ce que Dieu lui permet selon son plan et son objectif pour notre vie. Le tentateur est limité par le divin. Il ne peut pas aller trop loin. Évidemment, le non-croyant, lui, ne jouit pas d'un tel privilège. Satan a carte blanche dans un tel cas. Or, avant de tirer un trait enflammé dans la direction d'un croyant, le diable doit élever les yeux vers Dieu pour demander la permission. Il n'existe qu'un être tout-puissant dans tout l'univers qui maintient un contrôle absolu sur toutes ses créatures, Dieu. Et que ces créatures en soient conscientes ou qu'elles soient consentantes n'a aucune importance. Dieu est omnipotent et il maintient cette limitation sur les souffrances de ses enfants. Aucune tentation ne vous est survenue qu'il n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés et testés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et quand nous sommes testés, nous savons que notre Dieu reste le même. Il est fidèle et il a placé une limite sur les épreuves que nous devons vivre. Un autre verset à se rappeler au moment de l'épreuve est Romains 8, 28. Beaucoup de chrétiens se font citer ce verset quand ils sont dans la peine. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Beaucoup de gens comprennent mal ce verset. Je vais donc d'abord vous interpréter ce verset comme ils le font. Ils ne pensent pas le lire de cette façon, mais ils le font quand même. Le problème est que nous aimons penser que Dieu fera peut-être tourner les événements en notre faveur, pour notre bien. Nous savons qu'il est possible à Dieu de faire tourner les événements en notre faveur, et quelquefois il le fait, mais d'autres fois, il ne tourne pas en notre faveur. En fait, en ce qui me concerne, je ne suis même pas sûr que les événements tournent parfois en ma faveur. Mais si vous décidez d'interpréter ce verset comme une preuve que Dieu fera tourner les événements en votre faveur et qu'il ne le fait pas, que se passe-t-il? Vous appelez vos amis pour vous apitoyer sur votre sort. Vous leur dites que vous n'en pouvez plus, que la vie n'a aucun sens, que vous ne comprenez plus rien et que Dieu était supposé faire tourner les choses en votre faveur, mais qu'il ne le fait pas. Et vous vous demandez où Dieu peut bien être. Qu'est-ce que Dieu fait pendant tout ce temps? Vous ne voyez pas d'issue et vous remettez Dieu en question et vous ne lui faites plus confiance. L'apôtre Paul commence son verset par « nous savons ». Il ne commence pas avec « nous pensons » ou « nous espérons ». Paul était convaincu de ce qu'il disait, car il pouvait se rappeler les fois où il avait été lapidé, battu, naufragé, ainsi que toutes ces autres épreuves qu'il avait vécues. Et il savait que Dieu l'avait soutenu à travers tout cela. Dieu avait permis toutes ces épreuves, mais il avait soutenu Paul. Et il fait de même avec nous. Comment pouvons-nous le savoir? D'abord, parce que la parole de Dieu l'affirme, et ensuite, parce que nous savons, parce que nous avons vécu des épreuves dans le passé, que le soutien de Dieu est indéfectible, et qu'en vivant l'épreuve avec une bonne attitude, notre foi en ressort grandit. C'est ainsi que les épreuves concourent ultimement à notre bien. Un de mes versets préférés et que je cite souvent est Ésaïe 41, verset 10. Le voici. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Quand ces tests et ces épreuves surviennent dans ma vie, je dois sans cesse lui faire confiance. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait quand j'ai besoin d'être purifié. Il sait si ma foi, mon endurance et ma persévérance ont besoin d'être éprouvées et par le fait même fortifiées. Il connaît toutes choses. Je dois donc, premièrement, lui faire confiance. Après que je lui ai fait confiance, je dois, deuxièmement, persévérer et m'accrocher à Dieu malgré la situation pénible. Retournons dans l'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 12. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Nous devons supporter patiemment, persévérer et nous accrocher à Dieu pour qu'il nous soutienne. Nous ne devons pas abandonner, jouer les douillets ou nous apitoyer sur notre sort. Quand nous vivons un de ces épisodes, nous devons en sortir le plus vite possible. Nous allons aborder maintenant la troisième chose qui nous donne la victoire dans l'épreuve. Je crois que nous avons tous de la difficulté à l'accepter et à la mettre en pratique. Je tenterai donc d'expliquer ce que Dieu attend de nous. Nous devons donc, premièrement, réagir avec confiance, deuxièmement, avec persévérance, et troisièmement, nous devons considérer notre épreuve comme un sujet de joie. Regardons Jacques chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Je le répète, comme un sujet de joie. Combien d'entre vous considèrent leur épreuve comme un sujet de joie? Cela ne veut pas forcément dire que lorsque je suis jeté dans la fournaise de l'épreuve, je dois fêter et célébrer l'occasion avec des « Merci Seigneur » et des « Alléluia ». Rien dans la Bible n'affirme que je devrais me réjouir de mes épreuves. Comprenez-moi bien. Je pourrais seulement considérer mon épreuve comme un sujet de joie si je regarde au-delà de l'épreuve. Je me rappellerai que mon Dieu, le souverain absolu, est en parfait contrôle de la situation. Il y a une raison derrière cette épreuve, et si je réagis bien, j'en retirerai une bénédiction. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ma joie vient de ma conviction. Je sais que Dieu va encore une fois me prouver sa capacité à me soutenir dans l'épreuve. Dieu veut mon bien et il est en train de m'équiper pour mieux le servir. Dieu a la situation bien en main et il me soutiendra pendant toute cette difficulté. J'en ressortirai plus fort et meilleur, même si actuellement la situation me fait cruellement souffrir. Quand je peux considérer mon épreuve sous cet angle, j'ai de bonnes raisons de me réjouir et je peux rendre grâce à Dieu de ce qui m'arrive. Je peux penser comme l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses. » Il n'est pas question ici de simplement traverser une situation difficile en remerciant Dieu. Il ne s'attend pas à ce que je me comporte comme un hypocrite en disant « Oui, merci Seigneur pour ces souffrances, gloire à Dieu ». Je ne pourrai pas en toute sincérité rendre grâce à Dieu si je ne considère pas mon épreuve dans sa perspective réelle. Je peux seulement me réjouir quand je considère Dieu comme étant la source ultime de toute chose. Et bien qu'il permette mes souffrances ou à cette situation très pénible de survenir, je garde la ferme conviction qu'il est aux commandes de ma vie, et puisqu'il en est ainsi, je sais que j'obtiendrai la victoire et la bénédiction dans cette épreuve. Vous avez le choix. Ou bien vous croyez ce que je viens de vous dire, ou bien vous devrez, tôt ou tard, remettre en question la souveraineté de Dieu. Toutefois, si vous ne croyez pas que Dieu est souverain et qu'il contrôle tout, vous n'êtes pas au bout de vos peines, car la plupart de vos questions concernant votre existence sur terre resteront sans réponse. la vie vous semblera absurde et toutes ses souffrances inutiles. Dieu contrôle-t-il votre vie? Nous aurons tous nos moments difficiles dans cette vie. Nous pouvons nous y attendre. Ils viendront de Dieu, de nous-mêmes ou de Satan. Dieu a un plan et un objectif pour notre vie. Il veut nous purifier, nous tester et démontrer son extraordinaire capacité à nous soutenir. Quelle doit être notre réaction devant la souffrance? Faire confiance à Dieu, persévérer et se réjouir à l'avance avec foi de la victoire et des bénédictions qu'il nous accordera à travers cette épreuve. Prions. Père, nous t'aimons, nous te glorifions et nous te rendons grâce de ne pas avoir épargné ces épreuves et ces peines dans notre vie. Tu nous as donné le merveilleux privilège de démontrer ton incommensurable capacité à nous soutenir. Et je prie aujourd'hui que toute personne qui entend ce message soit assez sage pour le garder dans son cœur, l'appliquer et faire de chaque épreuve une expérience victorieuse de ta bénédiction. Merci d'être au contrôle de ma vie, d'être au contrôle de nos vies. Nous te demandons ces choses au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pour que ta volonté soit faite et qu'elle s'accomplisse. Amen. Les épreuves qui surviennent dans la vie ont toutes un but. Elles servent à éprouver notre foi. Apprenons donc à y réagir avec confiance et avec joie. Et bien que vos souffrances puissent être d'une intensité aiguë, rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul face à elles. Charles Stanley nous l'a dit, « Aucun croyant ne doit faire face seul à la difficulté. » Si vous avez fait confiance à Jésus-Christ comme votre Sauveur, vous savez qu'il peut vous soutenir. Pendant un temps de douleur, nous pouvons trouver le réconfort dans ces paroles du psaume 23, versets 1 à 4. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Vous aimez les enseignements du Dr. Stanley, mais vous n'écrivez pas assez vite pour tout noter? Aujourd'hui, l'Espoir vous offre la revue En Contact qui reprend ces enseignements. De plus, cette revue comprend une pensée enrichissante qui vous permettra de commencer la journée sur le bon pied. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.